إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعرفوا ما للمساجد من مكانة عالية وحرمة عظيمة فهي بيوت الله رفعت قواعدها على اسمه وحده فيها يعبد ويوحد ويعظم ويمجد هي محبط رحمته وملتقى ملائكته والصالحين من عباده إنه المسجد تلك البقعة المباركة والأرض الطهور نتحدث عنها حين نسي كثير من إخواننا تاريخ ودور مسجدهم عباد الله حق علينا الاعتناء بمساجدنا لأنها مظهر فلاحنا وعزنا وفخرنا فلنعتني بها أكثر من بيوتنا واستراحاتنا فعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور أي في القبائل وأن تنظف وتطيب عباد الله لعظيم فضلها وشريف مكانتها شرع لقاصدها من الآداب والسنن والأحكام ما يحسن التذكير به رعاية لحرمتها وتذكيرا بحقها فخذ أيها المسلم بعض أحكام المساجد وتعرف على ما تجب لها وما يحرم فيها وما يستحب فيها عباد الله يستحب لقاصد المسجد أن يتجمل لصلاته بما يستطيع من ثيابه وطيبه وسواكه قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من يتزين له وعلى قاصد المسجد للصلاة اجتناب الروائح الكريهة في ملبسه ومأكله وجسمه فلا يؤذي إخوانه المصلين بنتن الرائحة فمن أكل البصل أو الثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وعند لبس الجوربين يتأكد المسلم من عدم نتن رائحتها فأكرم بعبد يأتي بيوت الله مطهرا ومتنظفا وتفوح رائحته طيبا ومسكا وعودا والماشي للمسجد يخرج إليه بسكينة ووقار، ولا يشبك بين أصابعه حتى وإن سمع الإقامة فإنه لا يسرع إليها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن السنة تقديم الرجل اليمنى دخولا ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم اليسرى وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أبواب فضلك. ولا يلبس حتى يصلي، ولا يجلس حتى يصلي ركعتين وجوبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي رواية: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا أقيمت الصلاة فيحرم عليك أن تشرع في نافلة أو سنة راتبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عباد الله، المصلون في المسجد كلهم سواء، فما سبق إلى مكان فهو أحق به، وليس لأحد أن يتحجر مكانا يضع حاجزا ثم يخرج من المسجد. كذلك يحرم المرور بين يدي المصلين لما فيه من التشويش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. وعليه كذلك أن لا يؤذي إخوانه بتخطي رقابهم ومضايقتهم ومزاحمتهم ومحاملة الاقتحام الصفوف عليهم. فقد جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. عباد الله، ومن التشويش والإيذاء الذي عم وطم في مساجدنا وقطع عليهم خشوعهم وسكونهم ما يصدر من الجوالات من مقاطع غنائية ونغمات موسيقية، فوالله يا إخواني لقد أذت المصلين أيما إيذاه. فعلى كل مسلم أن لا يدنس بيوت الله بهذه النغمات المحرمة والأجراس الشيطانية، وليتخلص من شرها وإثمها. فهذه الصلاة إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أين هم من قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا تفسدوا خشوع المصلين فتكونوا من الآثمين، وتحملوا أوزارا مع أوزاركم ساء ما يعملون. نعم، قد تنسى جهازك مفتوحا، ولكن الذي تأثم عليه أن تتعمد نغمة موسيقية، فهذا بطوعك واختيارك، فلم تكره ولم تجبر عليه. عباد الله، من أعظم مميزات المساجد الصلاة لجماعة فيها، الصلاة الجماعة فيها، وهم من أثنى الله عليهم بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالصلاة صلاة المسلم في مسجده تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة كما بشرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. عباد الله، من مميزات الصلاة في المساجد زيادة الأجر في متابعة المؤذن وخيرية الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. أيها المصلون، عباد الله، ويجب أن تصان بيوت الله عن الأقوال الرذيلة والأحاديث السيئة، فلا مكان للغو غائيين والجهلة للغوغائيين فلا مكان فيها للغوغائيين والجهلة، فنحن أمة السكينة والأخلاق العالية، ومن ابتلي بهذا الصنف من الناس فليكن هو العاقل التقي الصابر، فما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فبيت الله محترم وله مكانة رفيعة وحصانة شرعية، ومما تصان عنه المساجد إنشاد الضالة أو البيع والشراء، فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المساجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. وتأمل يا رعاك الله إلى كمال الإسلام وجماله، فمع أن المساجد أماكن لتربية النفوس وتهذيبها، إلا العلاج والتأديب يكون خارجها حماية لها وتعظيما لجنابها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. عباد الله، هذه بيوت الله وأنتم عمارها، فتعاونوا جميعا ليؤدي المسجد رسالته ودوره، وقوموا بحق رعايته وصيانته ونظافته ودعمه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإمام المسجد ومؤذنه وخادمه عليهم حمل كبير ومسؤولية عظمى، وإدارة المسجد عليها حمل ثقيل ومسؤولية عظمى ومتابعة مستمرة. عباد الله، حق المساجد أن تنظف وتطيب، لا أن تكون مستودعا للأوساخ وردي الأثاث والغبار. عباد الله، شرعت المساجد للتعاون على البر والتقوى، للتعارف والتآلف والتكاتف، فتصافحوا فيها ليذهب الغل والحقد، وتسامحوا لتذهب الشحناء، وادحروا الشيطان الرجيم وطهروا قلوبكم واستبدلوا القطيعة والجفاء بالصلة والمحبة والصفاء وكونوا عباد الله إخوانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Serviteur d'Allah, craignez Allah. Premièrement, je veux vous demander de vous rapprocher et de vous rapprocher et de vous avancer. Essayez de vous serrer les uns à côté des autres le plus possible pour faire de l'espace et de la place. Si vous voyez de l'espace en avant de vous, essayez de combler les vides pour essayer de libérer le plus d'espace possible pour vos frères. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Le sujet de la khutba, c'est au sujet de l'importance de la mosquée, les maisons d'Allah. Et il faut savoir que les maisons d'Allah, les mosquées ont été établies pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour établir le tawhid d'Allah et l'unicité d'Allah. Et c'est dans ces maisons bénies qu'on célèbre sa louange et qu'on le glorifie. Et c'est l'endroit de réunion des gens pieux et des anges. Cet endroit pur dans lequel les croyants se réunissent. Et donc il est important de connaître son importance, son statut et son droit et nos devoirs et nos responsabilités vis-à-vis de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mosquée. Et donc c'est un devoir pour nous tous de donner de l'importance et de s'occuper des mosquées parce que c'est notre fierté, c'est notre succès. Et donc, chacun d'entre nous, on a notre responsabilité pour se réunir et on devrait s'occuper de nos mosquées plus que de nos propres demeures, plus que de nos lieux de rencontre en dehors des mosquées. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a encouragé à ce que les mosquées soient construites autour des maisons et qu'elles soient nettoyées et qu'elles soient parfumées. Et à cause du respect et de la noblesse et du mérite de ce lieu et de son statut élevé, il y a certains comportements, certaines étiquettes, certaines manières à respecter. Et qu'il est bon pour chacun d'entre nous de se souvenir et de se rappeler pour qu'on puisse toujours être conscient de son statut et d'avoir du respect envers cette mosquée. Et parmi les règles, c'est que lorsqu'on se dirige vers la mosquée pour établir la salat, il est recommandé de porter nos plus beaux vêtements et nos plus beaux habits et de s'embellir et de se parfumer. De la même manière que l'un d'entre nous, s'il devait aller dans un rendez-vous pour une entrevue, pour un travail ou pour un emploi, pour aller rencontrer quelqu'un d'important, il porterait ses plus beaux habits, il mettrait son meilleur parfum et il soigne son apparence et il soigne aussi son odeur. Et donc il va mettre le parfum, il va brosser ses dents, il va coiffer ses cheveux, mettre ses plus beaux habits pour une créature parmi les créatures, un être humain parmi les êtres humains. de qui il espère quelque chose. Alors que dire de notre rencontre avec notre Créateur, avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on vient à la mosquée. C'est encore plus important que ces réunions ou que ces rencontres. Alors le musulman, il est encouragé de veiller à son apparence et de porter ses plus beaux habits quand il vient à la mosquée. Pas seulement le jour de Eid ou le jour de fête, mais tous les jours. Les jours de Eid, les jours de vendredi, le Jumu'ah, encore plus. Mais les jours de la semaine aussi. De voir à ce que ses habits soient propres et que ses habits soient beaux et qu'il ait une belle odeur. Parce que parfois, certaines personnes peuvent venir à la mosquée avec des odeurs de nourriture, de l'ail, de l'oignon et des odeurs fortes ou bien des odeurs de transpiration. Et ça dérange les autres qui viennent prier. Et ça nuit aux anges. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, celui d'entre vous qui a mangé de l'ail ou des oignons, alors qu'il n'approche pas nos mosquées. Car les anges sont dérangés par ce qui dérange les êtres humains. Et donc, c'est-à-dire de faire en sorte que tu aies une belle odeur lorsque tu viens de prier. Et surtout si certains d'entre nous, on sait que parfois, les nourritures qu'ils cuisinent à la maison, c'est très fort, très épicé. Et puis, quand ils viennent à la mosquée, ils rentrent, on dirait que c'est la cuisine qui est rentrée dans la mosquée avec eux. Donc, il faut faire attention à ça. De même que faire attention aussi avec nos chaussettes. Si quelqu'un, ses pieds ont une mauvaise odeur, et qu'il met ses chaussettes et qu'il marche par la suite sur le tapis, ça peut également donner au tapis et à la mosquée une mauvaise odeur. Donc, faire attention à ça aussi. Également, parmi les manières qui sont reliées à la mosquée, c'est de marcher vers la mosquée avec calme, avec repos, et de pas se précipiter ou de pas courir pour arriver à la mosquée. Et même si vous entendez l'iqama, vous ne devez pas courir pour arriver, mais continuez à marcher calmement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, si vous entendez l'iqama, ne vous précipitez pas et marchez calmement. Si vous attrapez une partie de la prière, vous la faites. Et ce que vous avez manqué, vous le complétez. Et lorsqu'on rentre à la mosquée, de rentrer avec le pied droit et de faire la dua, on dit Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Et lorsqu'on sortir avec le pied gauche et on dit Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Et lorsqu'on rentre à la mosquée, la première chose qu'on doit faire avant de s'asseoir, c'est de prier raka'atayn. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous rentre à la mosquée, qu'il ne s'assoie pas avant d'avoir fait deux raka'a. Donc il fait deux raka'a, puis après il peut s'asseoir. Et lorsqu'il est dans la mosquée, et que c'est le moment d'établir l'iqama, de faire la prière, et que lui il est en train de faire raka'atayn, il coupe ses deux raka'a, et il revient il vient rejoindre les rangs de la prière obligatoire. Même si il est en train de prier, il sort de la prière et il vient rejoindre la prière obligatoire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique, si vous êtes en train de prier une prière surérogatoire, eh bien, lorsque la prière obligatoire est établie, il n'y a plus d'autres prières qui doivent être faites. Donc, lorsque la prière obligatoire commence, vous cessez ce que vous faites et vous venez dans la prière obligatoire. Également, on ne doit pas réserver des places. Certaines personnes, peut-être ici on voit ça moins souvent, mais dans certains pays par exemple, des gens ils réservent une place dans la mosquée. Ils mettent leur tapis ou ils mettent un objet, puis ils rentrent chez eux, puis quand ils reviennent, ils trouvent quelqu'un, ils disent « ça c'est ma place ». Non, il n'y a pas de place réservée dans la mosquée. La mosquée, elle est à tout le monde et n'importe qui peut avoir sa place s'il est parti. Et quand il revient, il s'assoit où il trouve de la place. Toutefois, si quelqu'un, par exemple, il est assis quelque part, au premier rang, par exemple, et qu'il sort pour aller faire le wudu, puis qu'il revient, il peut réserver sa place pendant le temps qu'il va faire son wudu pour revenir. Mais si quelqu'un, il part chez lui, puis il fait ses affaires, puis après il revient 2 heures plus tard, il dit ça c'est ma place. Non, c'est la place de celui qui l'a trouvé. Également, le musulman, s'il trouve des gens qui sont en train de prier, il ne doit pas passer devant quelqu'un qui fait sa prière. En particulier si cette personne a mis une sutra devant lui, c'est-à-dire un objet ou quelque chose d'assez haut, hein, plus haut que la selle d'un chameau, devant cette chose-là, s'il est en train de prier, on n'a pas le droit de le couper. Essayez de vous rapprocher encore une fois. Il y a beaucoup d'espace là-bas dans le coin, il y a un trou là. Et au milieu, il y a beaucoup d'espace. Jazakumullahu khairan. Et également de ne pas couper le cou des gens qui prient, ou bien des gens qui sont assis. Il y en a des gens qui arrivent en dernier, et puis ils passent par-dessus les épaules des gens pour venir plus en avant. Et ça, c'est quelque chose qui dérange aussi les gens. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une personne justement le vendredi, il rentrait dans la mosquée, et il passait par-dessus les gens, et il lui a dit, assis-toi, car tu déranges les gens. Tu fais du tort. Également, une chose qui est très importante à notre époque et qui est devenue un fléau malheureusement, c'est les téléphones cellulaires. Et ça, parfois, les gens, malheureusement, au lieu de mettre des sonneries qui sont des sonneries ordinaires pour leur téléphone, ils mettent des chansons, de la musique. Et ça, c'est des choses haram. Et parfois, en pleine prière, hein, il dérange la prière de tout le monde avec ses sonneries. Donc ça, c'est quelque chose qui est grave. Et donc quelqu'un, lorsqu'il vient pour prier à la mosquée, il devrait mettre son téléphone en silencieux, et en tout temps il devrait enlever ce genre de sonnerie dans laquelle il y a de la musique. Et puis en même temps aussi, ça ne veut pas dire que tu vas mettre comme sonnerie le Coran ou bien le Adhan ou des choses comme ça, parce que ça c'est des choses sacrées et c'est pas des choses qui ont été qui doivent être prises pour des sonneries ou des genres de choses de ce genre. Donc tu mets une sonnerie ordinaire pour ton téléphone. Également, une chose importante parmi les particularités des mosquées, c'est que la prière à la mosquée, elle vaut 25 à 27 fois plus que la prière que tu peux faire chez toi, ou à ton travail, ou dans ton commerce, si tu as un magasin ou quelque chose comme ça. Donc quand tu pries chez toi, Allah il te récompense si jamais tu as fait la prière chez toi. Mais si tu pries à la mosquée, ta prière elle vaut 25 fois plus ou 27 fois plus. Donc il y a plus de récompenses. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que chaque fois que tu vas vers la mosquée, tu fais ton wudu comme il faut, tu marches vers la mosquée et il n'y a rien qui t'a fait sortir de chez toi, sauf le fait de vouloir aller à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour chaque pas que tu fais, Allah il t'élèvera dans le paradis d'un degré et il t'effacera un péché. Et les anges continuent à prier pour toi tant que tu restes à l'endroit où tu as fait ta prière, et ils demandent à Allah, oh Allah, bénis-le et fais-lui miséricorde. Donc il y a de grands mérites et de grandes récompenses. Également le mérite d'être dans les premiers rangs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les gens savaient ce qu'il y a comme mérite dans le fait d'être dans le premier rang à la mosquée, les gens auraient fait des tirages au sort pour être dans les premiers rangs, tellement il y a des mérites. Et Allah et les anges, ils prient sur la personne qui prie dans le premier rang. Donc il y a quelque chose de particulier. Également, les mosquées doivent être préservées des mauvaises paroles et des choses mauvaises. Hein? Et en même temps, j'en profite pour mentionner une chose. C'est que les mosquées, ce ne sont pas non plus des lieux pour les propagandes politiques et les appels à des élections ou des votes pour des partis politiques. Ça n'a pas sa place dans les mosquées. Et on n'a pas le droit de faire venir des koufars parler aux musulmans dans les mosquées pour les élections. Ça c'est interdit. Et ça, c'est contraire à l'islam. Hein? On ne va pas commencer à faire ça. Les koufars, les chrétiens ne font pas ça dans les églises. Hein? Et les autres religions non plus. Il n'y a personne qui fait ça. Sauf hein, certains, des personnes qui ont des intérêts parmi la communauté musulmane et qui veulent profiter de ça. Ça n'a rien à voir avec notre religion. La religion, la mosquée, elle est établie pour enseigner la religion d'Allah, pour faire le rappel d'Allah, pour établir le tawhid d'Allah et éduquer la umma, les musulmans, à propos de l'islam et pour appeler les non-musulmans à l'islam. Pas pour qu'eux, ils viennent nous appeler à leur vie, à leur système et à leur politique. On inverse les choses. Ça, c'est pas correct. C'est pas eux qui vont venir à la mosquée pour nous apprendre quelque chose. S'ils veulent venir apprendre l'islam, ils sont les bienvenus. On va leur expliquer qu'est-ce que c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est ça notre devoir envers eux. Mais eux, ils viennent et on leur parle pas de tawhid, on leur parle pas de l'islam, on leur explique pas la réalité de la ilaha illallah et pourquoi Allah les a créés et pourquoi ils vivent. On les laisse rentrer et ils viennent faire leur message et ils sortent. Ça, c'est inacceptable. S'ils veulent venir apprendre, ils viennent s'asseoir, ils écoutent. Et ils écoutent le message de l'islam. Mais, tu vas dire, eux, ils viennent pour nous parler à nous, nous enseigner dans nos mosquées? Non. Alors, les responsables des mosquées, ils ont une grande responsabilité, un grand rôle sur leurs épaules. Et en même temps, un rappel aussi pour nous tous, que nous sommes tous responsables de la mosquée. Si vous voyez quelque chose par terre, des noyaux de dattes. Parfois, les frères, ils mangent des dattes. Ils jettent les noyaux un peu partout. Ça, c'est pas correct. Si vous le voyez, vous le prenez, vous le ramassez, vous le jetez dans la poubelle. Si vous voyez quelque chose qui traîne, une saleté, quelque chose, vous le prenez, vous le ramassez. Chacun d'entre nous, on est responsable. C'est pas seulement de dire, ah, il y a une personne qui va le faire. Chacun d'entre nous, on a cette responsabilité-là. Et si on le fait, Allah, il va nous récompenser en plus. Subhanallah. Donc on n'est pas perdant dans tous les cas. Donc il faut bien s'occuper de nos mosquées. Parce que c'est, comme on dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué, c'est la chose la plus importante pour nous. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait quand il est arrivé à Médine, avant toute autre chose, il a construit la mosquée. Et donc c'est notre devoir de s'en occuper et de savoir son importance et de les utiliser pour apprendre notre religion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.